commence comme ça. Elle tient mon bras, je la relâche. Une autre occasion d'être lâche dans la foule, là où je peux l'approcher sans qu'on ne se fasse des idées. Je n'ai plus à me justifier. Dans la foule, là où je peux l'approcher, je suis tout simplement bien. Et je voudrais partir loin. Et si on oubliait les routes, nos porte-clés, nos boutons de chemise, et si on perdait la mémoire, nos belles idées finalement, nos bêtises, et si on oubliait les routes et le sommeil trop bien rangé, si on quittait la foule et ses soleils et ses pavés. Belles idées finalement, nos bêtises, et si on nous...